I follow. Je suis fatigué, en fait. Yeah. Voilà. te suivre. Je vais me ressourcer un petit peu en t'écoutant. J'ai fait passer le BPI à 16. On était sur du 32 tout à l'heure.